Croyez-vous aux fantômes ? C'est par cette interrogation un peu narquoise que M. X m'a accueilli alors que je venais à peine d'arriver à notre rendez-vous hebdomadaire. Je m'apprêtais à rire lorsque mon interlocuteur est soudain devenu grave. Que voulait-il donc me confier ? Et surtout, pourquoi s'intéressait-il à un sujet qui, ordinairement, prête plutôt à sourire ? Il m'a bien sûr donné les réponses à ces questions que je me posais, et à sa façon, qui n'est jamais très simple et qui préserve la part de mystère dont cet homme aime à s'entourer ou à se protéger. Mais l'histoire qu'il m'a racontée méritait en tout cas que je fasse preuve d'un peu de patience. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Alors les fantômes. Je peux tout de suite vous faire un aveu. Moi, je n'y crois pas. Mais vous me direz, c'est peut-être parce que je n'en ai pas rencontré. En dépit des nombreuses enquêtes et films que j'ai réalisés sur les phénomènes de sorcellerie et de magie populaire. J'ai quand même éprouvé le besoin, après avoir enregistré cette étrange conversation avec M. X, de me replonger dans la littérature spécialisée sur les fantômes et les maisons hantées. Une littérature abondante, vous l'imaginez, où le meilleur côtoie le pire, où les hypothèses les plus sérieuses côtoient les théories les plus échevelées, où les savants côtoient les charlatans. Une observation tout d'abord. Dans la plupart des cas d'apparition, il y a ce qu'on appelle un médium, un être qui serait doué d'un pouvoir psychique tel qu'il permettrait à des créatures de l'au-delà de se manifester à travers lui par la parole ou même sous forme d'image, d'ectoplasme. Certains ont été photographiés. La vérité m'oblige à dire que dans la majeure partie des cas, le trucage a été mis en évidence. D'autre part, les spécialistes font la différence entre les maisons hantées traditionnelles, où des fantômes apparaîtraient sans l'intervention d'un médium, et les maisons hantées par une force qui se manifeste au moyen de la télékinésie. La télékinésie étant le pouvoir supposé de faire bouger les objets à distance. Dans cette dernière catégorie de maisons hantées, on trouverait toujours la présence d'un individu, souvent une ou un adolescent, qui serait malgré lui le responsable de la hantise. C'est le fameux phénomène de poltergeist, en allemand fantôme bruyant, car les manifestations sont la plupart du temps brèves mais très bruyantes. À noter que ce poltergeist, qui jette avec violence des objets, qui suscite des apparitions lumineuses ou pas, qui provoque des incendies, qui mord éventuellement, suit la personne à laquelle il est attaché. Donc, pour ces victimes, il est inutile de déménager pour lui échapper. Au contraire, le fantôme traditionnel, lui, est sédentaire, si je puis dire. Il ne quitte pas la maison où il a ses habitudes et ses apparitions ne dépendent en aucune façon de l'identité des occupants de cette maison. Voilà donc pour la théorie. Et, autant vous le dire tout de suite, le fantôme dont m'a entretenu M. X est de ces fantômes attachés à leur mur. Pas de poltergeist, pas de médium apparent, encore que... J'entends tout, à travers les murs, j'entends tout, même le plus doux de ces murmures. Cette beauté dans l'appartement d'à côté, elle s'y entend. N'adresse jamais la parole. On se croise dans l'escalier. Elle me frôle absente et frivole. Et je reste seul sur le palier. Ma belle voisine m'inspire des sensations assez voisines de l'amour au fond. Ma belle voisine inspire des sensations voisine de l'amour au fond. J'entends tout à travers les murs, j'entends tout, même le plus doux de ces murmures. Le moindre bruit, ces talons qui claquent dans la nuit, le plancher craque. Et moi aussi, j'en attrape la chair de poule chaque fois qu'elle prend sa douche. Le petit air que joue l'eau qui coule, c'est vrai, j'en ai l'eau à la bouche, ma belle voisine. M'inspire des sensations assez voisines de l'amour au fond. Ma belle voisine m'inspire des sensations assez voisines de l'amour au fond. France Inter, retrouvons Patrick Pénaud pour Rendez-vous avec X. Mais je croyais que vous étiez plutôt quelqu'un de rationaliste. Ben, je n'ai jamais cessé de l'être. Alors pourquoi, tout à l'heure, vous m'avez demandé d'emblée si moi, je croyais aux fantômes. Vous y croyez, vous ? Et si je vous disais oui ? Vous êtes sérieux ? Vous le saurez tout à l'heure. Bon, en tout cas, si j'y croyais, je ne serais sûrement pas le seul, non ? Et puis, nos rêves ne sont-ils pas peuplés de fantômes ? Là, vous essayez de jouer au plus fin. Alors, venez-en là où vous avez vraiment envie d'en venir. Eh bien, je voudrais vous parler d'une excellente amie. La malheureuse est décédée il y a longtemps déjà, mais ses enfants sont encore en vie. Alors, je vais lui donner un pseudonyme, si vous voulez bien. Mm-hmm. Appelons-la Armande. Armande, comme la femme de Molière, qui était peut-être aussi sa fille. Ça, c'est autre chose. Le poisson, oui. Armande était donc une femme très distinguée, une grande bourgeoise, ça c'est certain, mais quelqu'un de très généreux, très cultivé aussi. Je dois dire également qu'elle avait été très belle. Mais sentant que son éclat allait déclinant après la mort de son mari, elle avait sagement choisi une charmante retraite provinciale, une grosse maison perdue au milieu des terres et qu'on appelait dans le pays la Bastide, je crois. Une sorte de manoir ou de ferme fortifiée. C'était dans quelle région, ça ? Bon, disons dans le Grand Ouest. Enfin, je ne peux pas être trop précis. Toujours pour protéger l'anonymat de cette... Bien sûr, ses enfants en tous les cas. Un jour, donc, je ne l'avais pas vue depuis plusieurs années et j'ai reçu une lettre d'elle. Elle me demandait d'une façon pressante d'aller la voir. Bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu immédiatement l'impression qu'il s'agissait d'une sorte d'appel, un SOS. Enfin, malheureusement, à ce moment-là, mes fonctions ne me permettaient pas de m'absenter à l'improviste. Je lui ai donc répondu, par retour du courrier, que je viendrai la voir dès que je le pourrai, le plus vite possible. Mais dans cette lettre de votre amie, qu'est-ce qui vous avait donné l'impression qu'elle avait besoin de vous et qu'elle courait peut-être un danger ? Je ne sais plus exactement, c'était entre les lignes, certainement. En tous les cas, Armande n'était pas une femme à se livrer comme ça, non. Elle était trop orgueilleuse. Orgueilleuse, mais vous avez tardé quand oui. même. Oui, je le regrette encore d'ailleurs maintenant. Parce que lorsque je me suis enfin présenté chez Armande, j'ai vraiment eu de la peine à la reconnaître, tellement elle avait changé, au physique comme au moral. Une question au préalable, votre amie Armande, vivait-elle seule dans cette grande maison ? La plupart du temps, oui. Une domestique venait juste l'aider quelques heures par jour, c'est tout. Quant à ses deux grands-enfants, ils vivaient à Paris et venaient en général une ou deux fois par mois. Ah, j'oubliais. Elle avait aussi un chien, une espèce de gros nounours, un chien des Pyrénées, je crois. Donc, je pense que lorsque vous êtes allé chez elle, vous avez essayé de comprendre ce qui était arrivé, pourquoi elle avait tellement changé. Naturellement, mais c'était assez délicat. Je ne pouvais pas lui dire comme ça... Tout de go, oh ma chère, comme vous aviez vieilli. Mais puisqu'elle vous avait demandé, enfin votre amie Armande, vous avait demandé de venir chez elle de façon pressante, vous aviez quand même une bonne raison pour lui poser des questions. Oui, mais en même temps, je ne voulais pas la brusquer parce que j'ai vraiment très vite senti qu'elle avait peur. Peur ? Oui, elle avait honte en même temps, cette peur, vous comprenez ? Parce que cette espèce de peur irraisonnable ou irraisonnée, je ne savais pas encore, c'était pas elle, ça lui ressemblait pas. Alors ce premier soir, nous avons dîné en parlant de choses et d'autres et nous nous sommes souhaité la bonne nuit comme de vieux amis. Et elle avait encore peur ? Non, je ne sais pas. C'était, je vous l'ai dit, une femme très fière, très digne. Donc ce soir-là, enfin ce premier soir, vous allez vous coucher plutôt rassuré. Assez, oui. Après tout, je me disais aussi que la solitude devait être la grande responsable de l'état d'Armande. Puis il y avait cette grande maison, trop grande, trop sombre, trop austère. J'imaginais sa vie au milieu de ces murs épais, dans ce silence de caveau. Ça ne veut pas être gai tous les jours. Certainement. Surtout l'hiver, quand la nuit tombe tellement vite. Et puis je me suis endormi, en songeant qu'il faudrait que je suggère à Armande de venir passer régulièrement quelques jours à Paris. Mais autant vous le dire tout de suite, cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Ah bon, que s'est-il passé? Je crois que j'étais encore dans mon premier sommeil quand j'ai entendu d'abord le chien hurler à la mort. Et tout de suite après, on a couru dans le couloir et on a frappé à la porte. J'ai ouvert, c'était Armande, livide, terrorisée. Elle a murmuré, « Le moine, il est encore revenu !» Et elle est tombée dans mes bras, inanimée. Je ne veux pas déflorer la suite de cet entretien avec M. X. Toutefois, avant de poursuivre, je vous propose cette opinion très partiale émise par un digne ecclésiastique anglais, le révérend Niles Smith. Après tout, l'Angleterre est bien la patrie des fantômes, non? Alors que dit le révérend? Eh bien, il affirme qu'en général, l'âme d'une personne décédée de mort naturelle quitte son corps pour aller ailleurs, mais que l'âme ou l'esprit de quelqu'un mort de mort violente ne le fait pas immédiatement. L'âme, désorientée par cette brutale transition, reste liée à la terre et le révérend de conclure de manière péremptoire, dans la plupart des cas vérifiés de lieux hantés, il y a eu mort soudaine ou non naturelle. Était-ce le cas de ce moine qui a tant effrayé Armande, l'ami de M. X? Je vous propose de reprendre la suite de cet entretien. L'évanouissement de votre amie a duré longtemps ? Non, non. Heureusement, elle a rapidement repris ses esprits, mais elle était toujours aussi effrayée. Alors elle vous a enfin raconté ? D'abord, elle a voulu me montrer sa chambre. Une belle, une grande pièce avec une cheminée monumentale en face du lit. Armande a pointé son index en direction du mur, juste entre la porte et la cheminée, et elle m'a dit « Il était là, il s'est agenouillé. » Et puis d'un seul coup, il s'est relevé et il a disparu comme s'il était entré dans le mur. J'imagine que vous avez regardé s'il y avait une issue, une porte cachée. Bien sûr, mais il n'y avait rien. D'ailleurs, le lendemain, j'ai examiné méticuleusement ce mur de pierre. Je l'ai même sondé et je n'y ai découvert absolument aucune porte secrète. Et sinon, ce soir-là, enfin cette nuit-là, vous avez noté quelque chose d'anormal dans la chambre ? Non, peut-être une vague odeur de brûlé, mais c'est tout. Et puis nous sommes descendus à la cuisine où nous avons poursuivi notre conversation. Attendez, d'abord... À quoi ressemblait ce moine de... C'était apparemment un moine assez ordinaire, c'est-à-dire qu'il était vêtu d'une robe et coiffé d'un capuchon. Et son visage ? Armande ne l'a jamais vu. Parce qu'elle ne l'a jamais vu de face ? Non, parce qu'à la place de son visage, sous le capuchon, il y avait comme un trou d'ombre. Mais j'oublie un détail important sur la robe du moine. Il y avait une grande croix, sans doute de couleur rouge, mais dans l'obscurité... Armande ne pouvait pas être formelle. Ça vous dit quelque chose, cette croix rouge ? Ah, bien sûr, oui, c'est la croix des Templiers. Oui, j'y ai pensé tout de suite, moi aussi. Alors, poursuivons. Il y a longtemps que ça durait, ces apparitions du moine à la croix ? Eh bien, ça avait commencé quelques semaines après l'installation d'Armande à la Bastide. Une nuit, elle s'est réveillée en sursaut. Et elle a vu une forme floue, grisâtre, qui glissait devant son lit. Et peu à peu, cette forme s'est précisée. Elle est devenue lumineuse, comme éclairée de l'intérieur. Et à ce moment-là, Armande a vu que ça ressemblait à un moine. Et elle n'a pas eu la présence d'esprit d'allumer la lumière ? Non, et ça se comprend. Elle était, comment dirais-je, pétrifiée. Elle se sentait incapable de faire le moindre geste. Mmh. Et qu'a fait ce pseudo-moine ? Il s'est agenouillé. Armande a eu l'impression qu'il priait. Puis il s'est relevé et il a disparu dans le mur. Et votre amie Armande, qu'est-ce qu'elle a fait alors ? Comme n'importe quelle personne sensée, au matin, elle s'est dit qu'elle avait rêvé. Un méchant cauchemar. C'est fou ce que le soleil peut être apaisant, n'est-ce pas ? Il fait oublier toutes les terreurs de la nuit. Oui, mais si je vous comprends bien, le fantôme est revenu. Oui, à de nombreuses reprises. Et il est devenu de plus en plus encombrant. Armande ne pouvait plus se dire qu'elle était victime d'hallucinations. Le moine était là, et bien là, nuit après nuit. Mais je reviens à cette question de la lumière, là. Votre ami, à force, a dû surmonter ses premières frayeurs et comme tout le monde, elle a bien dû essayer d'allumer la lumière. Et vous avez raison, mais quand elle a tenté d'allumer sa lampe de chevet, rien, pas de lumière. Les plombs auraient pu sauter. C'est la première chose à laquelle elle a pensé. Et dès l'aube, elle est allée vérifier le compteur, mais non, les plombs étaient intacts. Et d'ailleurs, sa lampe de chevet fonctionnait à nouveau parfaitement. Alors selon vous, ce fantôme avait le pouvoir de couper l'électricité. Écoutez, moi, je ne prétends rien. Je me contente de vous raconter ce que mon ami Armande m'a confié. Mais il y avait encore plus étonnant. À chaque fois que le moine apparaissait, le chien hurlait à la mort. Il sentait le fantôme. Apparemment, oui. J'avoue que c'est cela qui m'a le plus troublé. Parce qu'on peut bien accuser les êtres humains d'avoir des hallucinations ou d'affabuler, mais les animaux. Or, je vous le rappelle, moi, la première nuit que j'ai passée à la Bastide, j'ai aussi entendu ce chien hurler à la mort. Je pensais n'aimer personne, je pensais personne ne m'aime. D'être quitte à ce point-là me laissa sans voix. Même pas le goût de la haine, même pas le goût de la peine. D'être quitte à ce point-là me laissa sans voix. Un beau jour, j'ai tout. Se suffisait à nous-mêmes. Mais tout de même, moi je cherche un toit. Libre à toi, tu sais, chez moi. Chez moi, tu fais comme chez toi. Tout ça nous renvoie au même. À même l'âme, on s'entraîne. À force de haine, on s'entame. Un beau jour, quand la nuit tombera. Je vous l'ai dit, après avoir enregistré cet étrange entretien avec M. X, j'ai compulsé de nombreux ouvrages traitant de ces questions. Au milieu de ce fatras, le plus souvent délirant, j'ai trouvé dans un ouvrage de Frank Smith et Roy Stemann sur les mystères de l'au-delà, une tentative d'explication de ces phénomènes de hantise. Je vous la donne telle qu'elle. Et autant vous dire que je ne la prends nullement à mon compte. Je cite ces deux auteurs anglo-saxons. Sans aller jusqu'à attribuer un cerveau à l'élément permanent qui se manifeste à la vue et à l'ouïe, ou qui est ressenti dans un lieu hanté, des spécialistes croient qu'il consiste en une sorte d'énergie psychique émise par cette personne de son vivant. Le philosophe Price a proposé l'existence d'un éther psychique imprégnant l'espace et la matière. Cet éther pourrait être impressionné par certaines images mentales. C'est dans les circonstances dramatiques, mort ou grande émotion subie, que cette impression serait la plus forte. Ainsi, point ne serait besoin d'attribuer à une âme emprisonnée le fait qu'un lieu soit hanté après une mort non naturelle. La chose emprisonnée serait une sorte d'enregistrement fait dans l'éther psychique et pouvant être perçu sous forme d'images, de sons ou de tentations tactiles par une personne sensible. Bon, peut-être. Mais le chien d'Armande, appartenait-il, lui aussi, à cette catégorie des êtres sensibles ? Quand elle est arrivée dans cette maison, votre amie Armande venait de perdre son mari, c'est bien ça, hein ? Oui, je vous vois venir. Vous pensez qu'elle était moralement amoindrie, vulnérable, susceptible d'être influencée ? Ah ben, on peut se poser la question. Sans doute. Mais dans le cas d'Armande, je vous assure que vous faites fausse route. À l'époque, c'était une femme remarquablement équilibrée. Et si ce décès récent l'avait naturellement éprouvée, elle avait surmonté son chagrin. Tout à l'heure, vous avez dit que ce moine fantomatique devenait au fil des nuits de plus en plus encombrant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Écoutez, non seulement le moine se laissait voir, mais il a commencé à parler. À parler avec votre ami ? Non, pas tout de suite. Armande l'a d'abord entendu prier. Et c'était audible ? Oui. Quel genre de voix ? La voix fatiguée d'un vieil homme. Et il parlait en français d'aujourd'hui ? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, Armande pouvait le comprendre. Et en quoi consistaient ses prières ? Il demandait pardon et implorait l'indulgence divine. Il y avait comme une faute ? Oui. Mais cela, mon ami n'a pu le comprendre que lorsque le moine s'est adressé à elle. Ah oui, comme on parle, vous et moi, là. Presque, oui. Sauf que mon ami Armande parlait à une ombre. Et que même si on a bien la tête sur les épaules, ça doit quand même faire une drôle d'impression. Sans doute, oui. Mais bon, cette faute que ce moine aurait commise... Eh bien, ce moine s'accusait d'avoir autrefois faussement dénoncé ses amis et d'être ainsi responsable de leur condamnation au bûcher. Oui, donc c'était bien un templier, là. Un fantôme de templier, Monsieur Pénaud. Oui, d'accord, mais leur conversation, s'il y a eu conversation, s'est limitée à la confession de cette faute ? Ah non, et c'est là que ça devient passionnant. Parce qu'une nuit où le moine, une fois de plus, est apparu, il est devenu menaçant. Physiquement ? Non, verbalement. Il lui a dit en substance, « Cette maison est sacrée, elle a abrité un ordre religieux, en l'habitant, vous la souillez. » Oui, donc déménager. Vous avez compris. Ce que le fantôme voulait, c'est que la Bastide retrouve sa vocation antérieure et cesse d'être habitée par des laïcs. Mais votre sentiment sur cette menace ? Ça, je vous le dirai tout à l'heure. Mais ce qui m'a paru le plus important, c'est de vérifier si cette maison avait réellement abrité un jour un ordre religieux. Alors je suis allé à la mairie où on ne savait rien. Puis je me suis rendu ensuite au chef-lieu, compulsé les archives départementales. Et là, enfin, j'ai trouvé. La Bastide avait été bâtie sur les ruines d'une commanderie de Templiers. On pouvait même penser que certaines parties de la maison, comme les celliers par exemple, dataient de cette époque. C'était quand même assez troublant. Hein. En tout cas, ça donnait une sorte de réalité à l'existence du fantôme, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Puis il y avait autre chose de curieux, excessivement curieux. Et ça s'était produit quelques jours avant mon arrivée à la Bastide. Ouais, je vous écoute. Eh bien, une nuit, Armande avait pris son courage à deux mains et elle avait osé... Osé quoi ? Osé toucher le moine. Afin de voir s'il s'agissait d'un ectoplasme ou d'un être en chair et en os. Et alors que s'est-il passé? Armande a reçu une intense sensation de brûlure, et ce n'était pas seulement une sensation, car le lendemain matin, au jour, elle a pu constater que les doigts de sa main droite étaient gonflés et rouges. Et quand vous êtes arrivé, vous, à la Bastide, elle portait encore la marque de ses brûlures? Oui, et très distinctement. Ses brûlures n'étaient pas encore cicatrisées. Et bien ça, quand même, vous admettrez que ça pouvait faire réfléchir. Puisque tu es né de moi, la vie continuera et tu découvriras l'indifférence. Que veux-tu que je t'apprenne? Tes questions seront les miennes et tu chercheras ta vie. Ce sont toujours les regrets, pas les remords qui nous rongent. Mais si tu plonges, si tu plonges, y'a les montagnes d'amour qui t'attendent, y'a les mains, y'a les poings qui se tendent. Si tu plonges, si tu plonges, chanter, on te dira où aller pour tenter ta chance, mais balaye toutes ces idées, ne garde ce que tu es, ce que tu veux devient vrai, si tu avances, ce sont toujours les désirs. Les plaisirs qui nous rongent. Si tu plonges, si tu plonges, y'a des montagnes d'amour qui t'attendent, y'a des mains, y'a des poings qui se tendent. Si tu plonges, si tu plonges, France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de vous proposer la diffusion de la dernière partie de mon entretien avec Monsieur X, je voudrais revenir un instant sur ces brûlures mystérieuses provoquées par le contact avec le fantôme de la Bastide. Il est établi expérimentalement que des brûlures, de vraies brûlures, peuvent être obtenues sur un sujet par suggestion. L'exemple le plus connu est le suivant. L'expérimentateur propose au sujet de faire disparaître une excroissance ou une verrue qui enlaidit son bras ou sa main. Il dit qu'il va opérer avec une pièce de monnaie rougie au feu. L'opération, dit-il, va être brève et peu douloureuse. Si le sujet accepte, l'expérimentateur prend une pièce de monnaie sans être vu. Au lieu de la porter au rouge, il se contente de la tiédir. Puis, à l'aide d'une pince, il l'applique sur la peau du sujet. Immédiatement, celui-ci ressent une impression de brûlure. Et dans la plupart des cas, on constate que la pièce a effectivement provoqué une brûlure avec une cloque très apparente. Dans le cas de l'ami de M. X, je ne sais pas s'il s'est agi d'une brûlure par suggestion, parce qu'il aurait fallu, n'est-ce pas, que le moine l'aperçoive avant qu'elle allait se brûler si elle se risquait à le toucher. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en constatant que votre amie Armande avait été effectivement brûlée? Pardonnez mon manque de modestie, mais après ma visite aux archives départementales et une nouvelle conversation avec le maire du village, je commençais quand même à y voir plus clair. Ce qui veut dire? Que je soupçonnais qu'il y avait derrière cette histoire de fantôme une manipulation bien réelle, bien terre à terre. Mais pourquoi que vous avez donc dit le maire? S'il ignorait que la Bastide avait été autrefois une commanderie de Templiers, il savait par contre que la vente de la maison avait donné lieu à un conflit entre les héritiers. Et une partie de la famille ne voulait pas se séparer de la Bastide. Et finalement, c'est l'autre clan qui avait eu gain de cause et la maison avait pu être achetée par mon ami. Et ça, ça vous a donné la puce à l'oreille? Oui. Pourquoi le moine tenait-il tellement à ce qu'Armand vide les lieux, hein? Attendez, mais quand même, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait des faits inexplicables. Le chien, par exemple, qui hurlait à la mort quand le fantôme apparaissait. Puis il y avait les brûlures. C'est vrai. Mais tenez, ces brûlures, par exemple. Vous savez à quoi j'ai immédiatement pensé? Au stigmatisé. Vous dire que votre amie était une stigmatisée? Non, mais l'apparition de ces brûlures pouvait être de la même nature que celle des stigmates sur certains mystiques. Enfin bref, je me suis dit que mon amie avait eu très peur en touchant le fantôme et qu'elle avait, comment dit-on, somatisé cette peur. Mm-hmm. Une peur qui s'était matérialisée sous la forme de brûlures. Mm. Pourtant, on vous avait dit, au début de cet entretien, qu'Armande était une personne très équilibrée. C'est sûr, ce n'était nullement une névropathe, au début en tout cas, parce que les apparitions régulières du fantôme avaient fini par lui mettre les nerfs à vif. Elle était sous influence, mise en condition, comprenez-vous? Peut-être, c'est plausible, hein? Mais le fantôme... Mais un trucage, très habile. Il m'a suffi de téléphoner à un ami prestidigitateur pour avoir une partie de la solution. Ce magicien professionnel m'a rappelé que certains de ses confrères, qui suscitaient des apparitions sur scène, utilisaient une lampe à phosphore. C'est un petit appareil très pratique qui produit une belle lueur bleue, mais alors tout à fait spectaculaire. Imaginez que vous entouriez cette lampe de gaz ou d'étamine et que peu à peu vous dérouliez ce tissu. Vous voyez alors la luminosité augmenter et le fantôme se matérialiser. D'accord, mais la robe, le capuchon? Une sorte de structure gonflable en tissu. Si, mon ami prestidigitateur m'a affirmé que c'était un jeu d'enfant à réaliser. Et quand le fantôme voulait passer à travers le mur, c'était très simple. Il suffisait au manipulateur d'éteindre à distance la lampe à phosphore. Plus de fantôme, et il avait donc joué les passe-murailles. Vous avez donc dit manipulateur, mais où était-il situé ce manipulateur? Mais tout près, tapis dans l'obscurité. Et ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je suis sûr que c'était aussi un ventriloque. Alors, qu'est-ce que vous avez vérifié alors? Bien, en enquêtant discrètement, bien sûr, autour de la famille des anciens propriétaires, j'ai découvert que l'un des fils s'était produit comme magicien sur diverses scènes. Donc un magicien professionnel. D'accord, mais je pose la question, il fallait quand même qu'il entre dans la maison. Bon, c'est pas très compliqué. Les anciens propriétaires avaient dû garder les clés. Puis dans ces vieilles, très vieilles maisons, il y a des souterrains, n'est-ce pas? Il y a quand même un dernier point tout à fait extravagant. Le chien, peut-être? Ben oui, le chien. Ben écoutez, ça c'est très simple. Il y a des odeurs qui font peur aux animaux, des phéromones, comme disent les spécialistes. Exactement, ouais. Ça a l'odeur d'un fauve, d'un loup. Le manipulateur s'enduisait de ce produit, et le chien, dès qu'il sentait l'odeur, hurlait la mort. Et vous avez donc persuadé votre amie qu'elle était purement et simplement victime d'une habile supercherie? Non. Mais je dois vous dire que c'est l'une des grandes déceptions de mon existence. Mais ça s'explique. Armande, au fond, s'était habituée à son moine, même si elle en avait peur. Et elle n'a absolument pas voulu en démordre. Elle y croyait, rien n'aurait pu la convaincre. Et elle est restée à la Bastide, malgré le fait que le moine ne la visitait plus. Parce que vous imaginez bien que je lui avais donné fermement son congé, ce montreur de fantômes. Ah oui, vous êtes intervenu. Et bien sûr. Alors Armande a fini ses jours là-bas, à la Bastide. Elle est morte un an, à peu près, après ma visite. Et j'ai toujours pensé que c'était le chagrin qui l'avait rongée. Naturellement, je n'ai rien trouvé de précis dans ma documentation sur le cas de cette pseudo-Armande. Toutefois, dans l'ouvrage d'un professeur d'anthropologie, Robert Toquet, consacré au pouvoir secret de l'homme, c'est le titre de son ouvrage, j'ai lu une histoire d'un moine fantôme qui ressemble par certains côtés à ce que m'a raconté M. X, à une nuance près pourtant, une nuance capitale. Dans l'histoire du professeur Toquet, on ne met à aucun moment la réalité de ce fantôme en doute. Autre document intéressant. Dans son livre, intitulé « Le Grand Bluff », consacré aux escrocs de la parapsychologie, Gérard Majax raconte une curieuse histoire. Majax, je vous le rappelle, c'est le magicien qui a permis de démasquer les supercheries du fameux Yuri Geller. Majax, donc, a été appelé un jour comme expert dans un pavillon hanté. Il a pu matériellement constater un certain nombre de phénomènes extraordinaires et apparemment inexplicables. Mais, à la suite d'une méticuleuse enquête presque policière, le magicien a réussi à établir que les phénomènes étaient tous artificiellement et habilement provoqués. Le responsable était un homme qui voulait que le pavillon soit vendu à bas prix. Il avait donc résolu d'en faire une maison hantée afin de dissuader les éventuels acquéreurs. Une histoire dont la conclusion ressemble un peu à celle du fantôme de la Bastide, n'est-ce pas ? À samedi prochain pour un nouvel entretien avec M. X.